بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الخامس بعد المئة. 105e leçon. Toujours dans les ahkam de la salat, les règles de la salat. Après que nous ayons pris la dernière fois les obligations, aujourd'hui il va interroger à propos de al-mubtilat, les annulatifs, les choses qui annulent la salat lorsqu'elle est en cours. في السؤال الثالث وعشرين بعد ثمانمية 823e question. وأولا الكلام العمد مع الذكر والعلم. Le fait de parler volontairement tout en s'en rendant compte et en sachant le jugement, en connaissant le jugement. والدليل وحديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة ويكلم رجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. Il est dit que avant dans la salat nous parlions entre nous. L'homme parlait à celui qui était à côté de lui. Puis est descendu, la parole d'Allah dans le sens où il dit, et tenez-vous debout pour Allah en toute humilité. Donc il nous a été ordonné de nous taire pendant la salat. Apporté par le Bukhari et Muslim. Deuxièmement, ad-duhak, le fait de rire. Ce n'est pas le fait de sourire, c'est le fait de rire. C'est-à-dire qu'il y a un son qui sort, fait de rire. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, الذي رواه البيهقي في السنن, قال من ضحك في الصلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. Qui le dit quoi, Jabir? Là, ce n'est pas un hadith. C'est un hukm qu'on appelle ça. Mawquf. C'est-à-dire, c'est la parole d'un sahabi. Qu'il est dit celui qui rigole dans la salat, qui recommence sa salat et qui n'a pas à refaire l'odo. Et l'auteur dit qu'on ne connaît pas de sahaba qui se soit opposé à cette parole-là. Car à la base, la parole d'un sahabi, ce n'est pas un argument. Hormis dans le cas où il ne s'oppose pas à un dalil et qu'on ne connaisse aucun autre sahabi qui ait contesté cette parole-là. Donc elle est acceptée. Troisièmement, elle akl, le fait de manger pendant la salat. Quatrièmement, le fait de boire, et ça avec l'ijma. Unanimité des ulama, qu'on ne mange pas ni, on ne boit durant la salat. Cinquièmement, inkishaf al-awra, le fait de dévoiler ou de laisser apparaître les parties intimes dans la salat qui vont du nombril au genou pour l'homme. Et la femme, elle, c'est tout son corps, est une awra, bien que certains ulama disent qu'il lui est permis de faire salat avec les pieds découverts, comme le faisaient certaines des sahabiyat. Et Gazalik, le visage découvert et les mains découvertes, sauf en présence d'étrangers. Le reste du corps doit être entièrement couvert. Mais pour l'homme, cela va du nombril jusqu'au genou. Et cela du fait que le fait de cacher ses parties intimes, cela est parmi les piliers de la salat. Donc celui qui s'oppose à un pilier, annule sa salat. Cela va de soi. Sadisan, al-iltifat al-kathir. Anjiat al-Qibla, le fait de beaucoup se tourner de la direction de la Qibla en pleine salat. Et ça, c'est parce qu'également, on a appris que parmi les conditions de la salat, le fait de se tourner vers la Qibla. Donc, annuler cela amènerait à annuler la salat. Thumma qala al-ba'f, ou al-abf, al-abf al-kathir, al-mutawali fi salat, le fait de beaucoup bouger. Sans réel, de réel besoin. D'accord ? De faire beaucoup de mouvements dans la salat et des mouvements inutiles. Et le dalil, c'est le même verset que lorsqu'il fallait se taire. Allah Ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout pour Allah en toute humilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas à bouger. Maintenant, les mouvements avec, qui sont à la base basés sur un besoin, il n'y a pas de mal tant qu'ils ne sont pas trop nombreux. Car il a été porté que Aïcha, radiallahu anha, faisait la salat et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait rentrer et qu'elle se déplaçait pour ouvrir la porte alors qu'elle était en salat. Naam. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam portait sa petite fille pendant la salat, il l'a posée, il l'a levée lorsqu'il faisait le rukou, le sujoud, ce qui amenait à faire des mouvements. Voilà les alika. Thumma qala fi thamin, huitième annulatif, intiqad at-tahara, le fait de perdre ses ablutions. D'accord ? Donc cela revient également à s'opposer à l'une des conditions de la salat, c'est-à-dire qui est at-tahara, le fait d'être en état de purification. Non. Donc là, il a cité 8 choses qui annulent la salat en cours, pour celui qui les commettrait. Et certaines demandent, comme le fait de parler ou quoi, d'en avoir la connaissance et de le faire volontairement également. ثم قال في السؤال الرابع وعشرين بعد 824e question. هل يلزم النية للصلاة؟ Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une intention pour la salat? On dit non, on avait pris parmi justement les conditions de la salat, avoir l'intention pour la salat. إنما الأعمال بالنيات, que les actes ne valent que par les intentions. Par exemple, les salats qui sont obligatoires, pour chaque salat, on a une niya différente. Pour le zohr, on met la niya du zohr. Pour le asr, la niya du asr, ainsi de suite. Chaque salat, on différencie entre ceux qui sont obligatoires, ceux qui ne sont pas obligatoires. Et on différencie entre même ceux qui ne sont pas obligatoires, entre elles. Par exemple, ceux qui sont attachés au salawat, qu'on appelle les rawatib. Par exemple, les 4 rakat avant zohr et les 2 après zohr. Ça, on met une niya. Ou les 2 rakat après le maghrib, on met une niya. Ou les 2 rakat après le Isha, on met une niya. Ou les 2 rakat avant le Fajr, on met une niya. Elles sont spécifiques, celles-ci. Wa kaza. Thumma qala fi as-su'al as-sadis wa 20 bar 826e question. Kayfa yusalli al-marid? Comment est-ce que celui qui est malade fait la salat? Et ça, on l'avait déjà cité également auparavant. Qui fait qa'iman, soit debout, qui est la base, qui est un pilier à la base de la salat, être debout. فإن لم يستطيع فإن لم يستطيع فقاعدا s'il ne peut pas alors assis فإن لم يستطيع فعلى جنب s'il ne peut pas sur le côté. Dans le hadith de Imran ibn Hussein qui avait atteint, on avait expliqué qu'il avait été atteint d'hémorroïdes et qui avait demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui lui avait dit cela. D'accord, le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. نعم. Donc هذا الذي اخذنا اليوم par rapport aux règles de la salat. Faut bien adapter comme n'a pas fait. والحمد لله رب العالمين.